lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi, car l'agneau est notre flambeau. Viens, Seigneur, sois des ténèbres, ne nous endormons pas, mais restons éveillés, car l'agneau est notre flambeau. Viens, Seigneur, sois ma lumière, fais de moi un enfant de du soleil, la gloire de Dieu.